Des lascars, des poupées, des cutéreux. Cette semaine, on a maté Chétan et on en parle tout de suite. Alors, McFlan, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde? Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Chétan de Kim Chapiron. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Mickaël. Oui, je bonsoir. Julie. Oui, je bonsoir. Et Greg. Bonsoir. T'assumes bien hein, que tes petits copains ils passent. Non, mais ils le font tellement bien. Ils le font vachement bien. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler de Chétan de Kim Chapiron, sorti en 2006 de 94 minutes avec Vincent Cassel, Olivier Barthélémy, Roxane Mesquida et Nicolas Le Fatin. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait violemment à ça. Chez moi. Oh, c'est classe, hein. T'es une petite bourgeoise, toi. Là, les toilettes, ma chambre et la partie de Joseph. Ils sont malades, tes parents, ils font quoi? Ils sont morts. Ma mère est morte en accouchant de moi et mon père s'est pendu. Vas-y, fais croquer, mon frère. Laisse-la-moi un peu, là. Tu vois bien qu'elle me kiffe. Je la chauffe, dès qu'elle est bouillante, je te fais croquer et on fait comme on l'a dit. C'est moi qui te fais cet effet-là, là? Quel effet? Voilà, 94 minutes d'ambiance étrange et terrifiante avec des bruits de cocotte minute. Je ne sais pas exactement c'est quoi ces sons, mais ça fait peur. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas c'est quoi ces sons. Vous n'avez pas vu qu'il mange une potée à la fin? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par Greg. Bah, moi, ça me fait marrer, en fait. Bart, il me fait marrer. Ça me fait marrer l'histoire. Elle est bon, elle est ce qu'elle est, mais moi, ça m'a fait marrer, quoi. Je me marre, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. C'est putain, tout ce mais il faudrait que t'écrives dans Télérama. Mais... ouais. Ça m'a fait rire, moi. Sarah. Moi, ça m'a pas fait trop rire. Ça t'a fait peur. Non, ça m'a pas fait peur non plus. Non, globalement, ça t'a fait chier au moins. Ça m'a fait vraiment chier. Ah oui. Ouais, globalement, j'ai eu du mal à tenir les. T'as pas rigolé? 94 minutes. Non, pas mais du t'as tout. T'as rigolé dans la bande-annonce? Non, j'ai pas rigolé pendant le film. Ah bon. Mickaël. Bah écoute, moi je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait, d'un côté, je trouve que finalement, voir un film français avec un peu cette ambiance glauque, je trouve ça pas si mal, c'est quand même suffisamment rare. Mais en même temps, les personnages, c'est quand même une caricature 2000 et notamment Vincent Cassel, c'est quand même l'enfer. Ouais, quoi, mais les lascars, ils sont cool, quoi, tu vois. Ouais, les lascars sont pas mal. Greg, dès qu'il y a des lascars, il est content. Puis les consanguins aussi, t'aimes bien les consanguins aussi. Ouais, j'aime bien Gilou, moi. Il fait trop marrer. Je me suis bien marré, quoi. Gilou, les lascars et tout, c'était drôle. Gilou, ça t'a plu. Julie. Non, moi je trouve ça un peu lourdingue, quoi. C'est un peu le film de la poésie et des puceaux, quoi. C'est pas trop mon délire. De la poésie. Ouais, non, mais c'est un peu la poésie du pauvre, quoi. C'est vraiment pas. Je sais pas. Ça m'a pas. Il y a des trucs qui me font rire, mais c'est tellement rare que finalement ça sauve pas du tout le tout, quoi. D'accord. Eh bien, moi pour donner mon avis, je n'avais jamais vu ce film. Je l'ai vu pour la première fois. Comme Mickaël, je trouve qu'il a le mérite d'exister parce que au moins c'est un film français qui prend un peu des risques. Ça sent que tous les autres c'est souvent très nul. Et malheureusement, je crois que je l'ai vu beaucoup trop tard parce que encore que 2006, ouais, il a plus de 10 ans. Je trouve qu'il vieillit à mort là. On dirait un film des années 90, des Lascar des années 90. Ouais, il y a un peu ça. Ouais. Mais je crois que ça, c'est déjà joué. Parce que le coup de la Golf 2, clairement, en 2000. La Golf 2, Bart, t'as vu comment il s'appelle, The King Lacoste Bordeaux, plus l'écharpe Burberry, je trouve ça mortel. D'ailleurs, quand tu vois ça, moi, je suis mort de rire. Après, je trouve que les Lascar, ils sont top. Les mecs de Délivrance aussi, ils sont top. C'est les tordus, là. Après, moi, je me suis posé la question. Il y a Vincent Cassel, moi, au milieu de l'écran, là, qui est là. Alors, la plus grosse erreur de casting. Il est incroyable parce que. Il dénote totalement par rapport au timbré, quoi. Il est je saurais pas dire s'il arrive vraiment à inventer un personnage ou s'il le fait vraiment très mal, en fait. Parce que il fait pas d'accent. C'est ça le problème. En fait, il fait une voix, il fait bah, qu'est-ce que tu fais, machin. Mais sauf qu'un mec, il parle, il a un putain d'accent, tu sais. Il fait bah, qu'est-ce que tu veux, là, tu sais. Et là, on comprend. Tu le fais bien. Ouais, bah, ça, c'est de la jalousie drôle, hein. Moi je le trouve cool, avec ses mouvements, c'est-à-dire tu sais quand il y a la bagnole qui arrive, tu sais il tape vite fait sur le carreau, il fait tac tac, et après quand la bagnole se part, il fait un geste de la main genre allez vas-y, et ça je trouve ça bien fait. Ça te rappelle tonton Bernard, c'est pour ça. Ça me rappelle mon village. Non mais après, en plus il a un espèce de sourire permanent et crispé, on dirait le Joker sans maquillage en fait. Il est toujours en train de sourire. Ouais, il a un beau dentier en plus. Mais sinon après moi je trouve que les acteurs ils sont cool, les persos ils sont cool, mais je trouve que l'histoire elle est chiante et puis l'histoire elle est chiante. Et puis alors tous les trucs de on va mettre du malaise en rajoutant un bruit sourd toutes les deux secondes, un petit. Et vous avez pas trouvé ça over lourdingue? Genre, je trouvais pas que c'est genre l'enfer. Si. C'est hyper lourdingue et c'est genre de la fausse provoque tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu provoque. On se veut hyper transgressif et tout, et en fait, il se passe rien, quoi. Qui raconte l'histoire qui est très simple? Moi, c'est quatre. Vas-y, Greg, il mérite. Il y a quatre potes qui sont plutôt de banlieue. Plutôt trois potes, non? Ouais, c'est trois. Hein. Bah, et une fille. Ouais. Ah oui, Yasmina. C'est trois potes et une. C'est quatre potes. Vous n'allez pas m'interrompre toutes les deux secondes. Hein. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Faites tes comptes correctement, quoi. Et ils rencontrent une amie de justement la fille en boîte et hop en after ils partent chez elle dans sa maison de campagne. Et son after, c'est pendant Noël, c'est le jour de Noël. Et oui, ils font une after le jour de Noël parce qu'ils n'ont pas de famille. Et ils passent Noël là-bas. Et en fait, il y a des déglingos dans le village qui, notamment Joseph, Vincent Cassel, et sa femme va enfanter du diable. Et ils ont besoin de bout des yeux de Bart. D'un lascar, des yeux d'un lascar pour mettre sur la poupée du diable. Ça, tu me racontes la fin. C'est vrai, en même temps, c'est le vrai scénario. Quoi. C'est mortel. Je trouve ça marrant, quoi. Alors il faut savoir que quand tu fais 20 km en dehors de Paris, quand t'enfantes, c'est ce qu'ils font, hein. Il faut arracher les yeux d'un mec carré. Ceci dit, vu le nombre d'heures qui roulent, elle est pas en campagne, elle est carrément à l'étranger, en fait. Il roule pendant 5 heures de temps. Je crois qu'ils vont jusqu'à Dijon, un truc comme ça, dans sa Dijon que c'est tourné. C'est à Marseille. Alors le film s'ouvre sur Mouloud dans le rôle de DJ Scratch qui joue. Qui met du TTC au Styx Club qui ressemble drôlement au nouveau casino d'ailleurs. Je pense qu'ils ont tourné là-bas. Un très beau rôle pour Mouloud. Alors le Styx, vous avez remarqué? Le Styx parce que c'est les enfers. Ouais. Et le film c'est Shaitan. Et Shaitan ça veut dire grec, tu sais? Diable. Ça veut dire le diable. Bah d'ailleurs, il y a beaucoup de références assez subtilement dispersées pendant tout le film. À la Bible. Ah, oui. Sur la Bible, l'enfer, le paradis, je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, la pomme, le serpent. Enfin, ouais. Dire, c'est, bah Joseph, voilà, ah, oui, des choses comme ça. Marie. Ah oui, Ève. Je l'avais pas du tout celle-là. Non, mais c'est pas normal, c'est très subtil comme film. Moïse qui écarte les eaux, quand même, t'aurais pu t'en douter. Ah le buisson Armand. Maintenant que vous me le dites. Mais franchement moi j'ai fait abstraction de tout ça parce que ça me fait marrer en fait. Les dialogues me font tellement marrer que non mais toi de toute façon il y a des Lascar, ça te fait rigoler, ouais. Tu sais Bah ouais. T'as rigolé sur 3-0. Scarface c'était marrant aussi. Après je pense que c'était un peu un film de bonhomme, David. C'est peut-être pour ça. Alors en parlant de bonhomme, moi la première question que je me demande c'est comment trois Lascar survêtent foutent en boîte dans plein Paris. Parce que leur pote est Barmaid. Ouais. Belle explication. Ouais. Je sais même pas vraiment si ça peut t'aider parce qu'en plus ils sont là et ils font même pas un effort parce que leur pote est barmaid, quoi. Ils foutent directement le bordel, quoi. Ils en ont rien à battre. Sur la table. Ils volent la bouteille. Ils ont leur propre alcool. Ouais. Voilà, au début, il y a Bart, il se déglingue directement à la petite flasque qu'il avait fait passer dans son slip. Ça, on voit pas ça, c'est une anecdote. Hein. Il l'a fait passer dans son slip pour la tartiner. Alors, je trouve que les deux acteurs, ils sont, on a presque l'impression qu'ils sont d'anciens Lascar parce qu'ils le font vraiment super bien. Je pense que c'est même des Lascar présents, surtout. Non, Olivier Barthélémy, c'est pas du tout. Ah pareil, l'autre non plus, hein. L'autre c'est un mannequin pour Guerucci, je sais pas quoi. Donc qui est mannequin? Guerucci. Le vietnamien. Ah bon ? Thaï. Et j'ai fait un effort parce que normalement j'aurais dit chinois. Mais là on m'a fait la remarque que tous les Asiatiques n'étaient pas chinois. Du coup j'ai bien regardé avant pour pas dire de conneries. Donc ils vont se faire embrouiller en boîte. Bart il va se prendre un coup dans la tête. Ouais. Un coup de tesson de bouteille ça fait mal. Ouais. Et donc là au lieu d'aller à l'hôpital. Eh ben, ils vont à la campagne. Logique. Pour Noël. Bah, ils vont faire la crèche avec Joseph. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça, c'est censé être Noël. D'ailleurs, il neige le jour de Noël, mais la veille, il fait super beau, quoi. Les gens sont en short et en t-shirt. Il a juste simplement son petit jogging Lacoste et c'est bon, il a pas froid. J'ai jamais vu une sortie de boîte qui ressemble à ça. Tu sais, c'est dans une rue pavillonnaire. Tu vois. Et alors, quand tu t'es pris un tesson de bouteille sur l'arcane, le mieux, évidemment, c'est d'aller effectivement super loin à la campagne. Mais avant, il vaut mieux aller voler des trucs dans une station de service aussi, quoi. Oui. Discrètement. Oui. Alors, il faut savoir qu'ils sont en pleine soirée. Ils font faire une after, effectivement, dans sa maison de campagne. Ils vont dans une station de service, ils ont plus de ronds. Et ils veulent, du coup, ils veulent des trucs. Mais alors, ils veulent des princes et du Fanta qu'ils vont faire à goûter. Et des crémas. J'aime bien parce que le film, il est subversif à mort. Il est subversif à mort, surtout. Sauf qu'à son service, les gars, ils veulent des régalades. Ils veulent. Non, mais tu sais, en plus. Bah, de l'alcool, tu vas en after, tu veux des trucs. En plus, j'aime trop parce que, genre, ils sont derrière. Ils sont derrière le comptoir et ils commencent à remplir genre des régalades sous leur blouson. Mais de toute façon, ils vont se casser en courant, en tout renversant. Bah, ça sert à rien de cacher, tu sais, puisque vous allez vous barrer avec. Alors ? Bon bref, ils s'en vont dans une essence basket, dans une Golf 2. Ils en font quoi les princes d'ailleurs ? On les voit jamais bouffer. Mais ça encore, c'est une allusion. Ils s'envolent en Golf 2 GTI Jean Talus. Elle est belle. Elle est super belle. Hein. Ça va devenir collector. Plus, ça va devenir collector. Vraiment, là, bah, à mon avis, ça vaut déjà du pognon. Oui. Ils partent à la campagne en voiture. Bart, il fait un peu le rêve qui déshabille sa pote, mais bon, là, on est un peu entre le rêve, la réalité. Ça t'a pas plu, ça. Ça m'a beaucoup plu. Puis à la fin aussi, on revient sur ça et tout. On essaie de tromper le spectateur. Et alors là, c'est l'arrivée de Joseph. Je vous présente Joseph. C'est lui qui s'occupe de ma maison. Salut. Bonjour. Salut. Thaï. Ça va ? Marc. Non, Bart. Marc. Yasmine. Bonjour. Petit turc, hein ? Désolé. Hein ? Hey. Y a des bêtes de nichons, ça, non ? Hein ? Ça, c'est Catherine. Il y a du lait dedans ? C'est une des meilleures de la région. Son lait est connu de partout, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on veut ? Hé, hey, le gros chinois. Non, ça va, merci, moi, c'est bon. Allez, Bart, à toi. Tiens, non, moi, j'aime pas les moi. Tiens, Marc. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y, non. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, quoi ? Bah, quoi ? Eh, je rigole ! Moi, je rigole pas avec toi, moi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, vas-y, Blanc, on y va, là. Voilà, donc Vincent Cassel, lui, fait la confusion. Voilà, entre on tient à préciser, c'est un filet de ta mère, il faut protéger les minorités. Je sais pas, moi, ça me fait marrer quand il appelle Marc. Et t'en veux, Marc ? Ça me fait marrer, moi. Non, mais c'est drôle, c'est bien écrit, mais je sais pas, je trouve que Vincent Cassel, il fait pas d'accent, ça m'a trop gêné, quoi. Ouais, moi, j'ai définitivement un problème avec les personnages féminins de ce film qui ne sont. Alors, elle, ouais, effectivement, elle fait petite bourgeoise du 16e, et t'as envie de dire, qu'est-ce qu'elle fout là ? Surtout, on arrête pas de filmer sa culotte, elle arrête pas de se prendre du lait dans la gueule comme une. Enfin, je sais pas. Comme une quoi ? Moi j'ai une vraie question une parce que quand je vois la gueule de ces darons, de tous les gens dans le village, c'est pas darons, hein. Tout le monde c'est est méga consanguin. Comment ça se fait qu'elle, c'est la petite gueule d'ange, c'est pas ses darons, c'est pas ses darons. C'est le sinon, mec ce qui serait aide, la fille du diable. Bah enfin, oui. Ce serait une... bah, on n'en sait rien en fait, puisque bah ses parents sont morts, mais potentiellement c'est Vincent Cassel, son père. Mais non, puisqu'elle dit que son père il faisait des. Ah, parce que tu crois tout ce qu'elle dit. Tu crois tout ce qu'elle dit. Et ouais, c'est Roxane Mesquida quand même. Ouais, alors du coup, pour ceux qui connaissent, j'ai l'impression que Vincent Cassel imite le gars qui double Beetlejuice, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il parlait comme Beetlejuice pendant tout le film. Et par contre, l'autre, Bart, souvent, moi je sais pas, il avait des intonations de Vincent Cassel, je trouvais. Il y a des souvent, ouais, il s'imitait. Tout le monde s'imite, Je pense qu'il devait vraiment l'admirer. Et alors après, très subtil, puisque bienvenue à la maison des poupées de l'horreur, hein, avec la petite musique de Carillon. Oui, les carillons, ça, c'est très très important. Poupée plus Carillon, bon bah, ça fait son petit effet. C'est une équation alors, très simple. Visite, rez-de-chaussée de l'horreur, premier étage de l'horreur, grenier. de l'horreur, évidemment. Ouais. Et que les greniers de l'horreur. Il faut quand même souligner un truc. La salle des têtes de poupées coupées, si, est très intéressante. Ouais. Il faut quand même saluer que, tu vois, au moins, ça se passe en deux nuits et qu'il n'y a pas de crescendo pendant une semaine pour devenir des glagos. Donc ça, on peut quand même le saluer. Alors, ceci dit, oui et non, parce que quand même, Joseph... C'est deux nuits ? C'est pas une seule nuit ? Alors, c'est qu'une seule nuit. Joseph, il est gentil avec eux, tu vois. Le but de Joseph, c'est qu'il soit content d'être là pour pouvoir derrière shipper les yeux. Shipper, en fait... arrête de shipper. Non, mais tu vois, parce que les autres gamins, là, tous les consanguins, ils leur font des petites blagues et tout, et Joseph, ça l'énerve parce que lui, il a un vrai but. Ouais, il a un objectif. En fait, surtout, il arrête pas de faire des allusions un peu tendancieuses à Bart, non ? Il arrête pas de lui dire d'aller se baigner avec lui dans les sources. Mais ça, c'est trop drôle. Ah, c'est pour son bien-être, je pense. Non, en fait, Greg, c'est Monsieur Nuisance. Il a trouvé son maître parce que le mec, il nuit pendant tout le temps qu'il fait le pétrole. Par contre, il y a quand même un truc, moi, qui m'a un peu saoulé, qui était un peu comme The Visit là, de Shyamalan, c'est. Et Jumpscare ? Genre non, il y en a pas trop. Il y en a pas. Non, y en a. Mais dans les toilettes, il y en a un ou deux, ouais. Mais c'est ouais. Joseph le déglingo, il vient à l'image pour faire le déglingo, tu sais, c'est-à-dire qu'à chaque fois il vient, il arrive toujours et je fais Vincent Cassel, il vient pour faire le déglingo encore un peu. Et du coup, à chaque fois qu'il vient, bam, bruit sourd, truc de violon. Puis on le filme de très très près pour voir comme il fait bien les mimiques et tout. C'est bon, on a compris qu'il était bizarre, quoi, tu vois, parce qu'à chaque fois c'est il est bizarre, dis donc. Alors bon, il fait chier tout le monde, il veut aller à la grotte chaude. Non, mais c'est vraiment chier que ça. Ouais, mais c'est sympa, moi j'aurais bien aimé aller à la grotte chaude. D'ailleurs, j'ai mis mon maillot de bain à ce moment-là du film. Moi j'ai pas trop envie d'aller avec lui. Je sais pas si vraiment des Lascars qui sont là iraient vraiment à la grotte chaude avec Gilou et le déglingo, quoi. Bah, c'est vrai, j'irais pas. Hein. S'ils ont envie de serrer des meufs, comme on te le répète depuis le début du film, je pense qu'ils iraient. Alors, tu faisais un point sur les personnages féminins. J'aimerais faire un point Lascar. Entre eux, ils se laissent jamais une seconde de répit, quoi. C'est-à-dire que même entre eux, ils sont censés être potes, ils sont dans un univers extrêmement hostile avec genre juste le méga déglingo, et même les gars entre eux, ils vont continuer à se faire des grosses farces et continuer à faire genre mais qu'est-ce qu'il y a, t'es pas un bonhomme. Mais ça c'est normal, c'est réaliste. Moi. Non, mais à un moment même en pote et entre potes, je pense qu'ils se laissent respirer, quoi. Là tu vois, c'est genre ils s'asphyxient tout le temps, les gars, quoi. Bah, il regarde la télé. Bah, on pourra revenir dessus à la fin, mais notamment à la fin quand ils partent en voiture et que la pauvre Yasmine là. Ouais, mais c'est parce qu'il flippe trop, ça. Bref, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même complètement absurde ce passage. On rencontre celle que j'ai surnommée la rouquine coquine. Ouais, ou la rouquine déglingue. Hein, Surtout déglingue. Hein. Ouais, ou la déglingue, ouais. Qui est en mini-short, effectivement, à 25 décembre. Ouais, elle doit cahier des miches. Ouais. Je pense qu'elle a pas chaud. C'est vrai que c'est le 25 décembre. Après, elle va aux sources chaudes. Hein, donc Elle va directement à la source. Peut-être qu'elle avait déjà prévu d'aller aux sources chaudes. Mmh, c'est pour ça qu'elle était en short. Et on a le droit à une baignade assez malaise, hein, assez chelou. Non, mais déjà, attends, deux secondes, parce que la rousse, c'est quand même la nièce du déglingo de Vincent Cassel. Là. Enfin, elle commence à lécher. Mais oui, elle commence à lécher la gueule de l'autre, là, de Bart. Et l'autre, il fait tu veux la baiser, c'est ma nièce. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est là que Vincent Cassel aurait dû dire tu veux lui faire la chose, tu vois, ou un truc comme ça. Oui, là, ça aurait été convenable. Exactement. Moi, je voulais attirer quand même votre attention. C'est vulgaire, là-dessus. Non, mais t'as raison. C'est vulgaire. Tout ce passage, alors je trouve que ce personnage, pour le coup, c'était vraiment celui qui me mettait mal à l'aise, mais de manière cool. Parce que c'est une meuf et qu'elle est bonne. Non, mais je veux dire, elle est cool parce que je trouvais. Là, pour le coup, c'était vraiment bien fait. C'était pas le malaise poussé par les sons, les gros plans, les machins. Oh. Elle était vraiment hyper étrange quand elle branle le chien et tout. C'était genre. C'était non, et après, il y a un autre moment, là, un peu malaise, là où il simule un viol. Avec les trois c'est un peu glauque. Moi, je trouve que toute la grotte chaude, vraiment, j'ai trouvé que là, ça marchait bien. Ouais, c'est moment malaise, ouais, d'accord. Mais les acteurs qui jouent les habitants du village, ils jouaient dans Freaks aussi, non? Ils ont vraiment des gueules. Mais là, des par contre, ouais, ils ont vraiment les tronches. Moi, j'ai cru qu'il allait sortir un banjo, le gamin. C'est un peu ça. Mais non, après, franchement, tous ces persos-là, là, j'ai trouvé ça cool. Alors oui, parce qu'évidemment, faut les trouver, les gars. Ouais, faut les trouver. Moi, je me demande à chaque fois comment ils font les castings, genre. Et je pense que cherche tête de déglingo pour un film. Fais voir toi, Gilou. Tu t'appelles comment? Gilou. Ah, il est pas mal, lui. Non, qu'est-ce que vous voulez? C'est directement sur les contrats. Il y a le nombre de chromosomes, mais 10 ans. En fait, ils font les manipulations génétiques 10 ans avant le tournage du film, comme ça au moins ils ont tout le monde qu'il faut. Et là, j'avoue, c'est parce que les déglingos, ils viennent aussi à la source chaude, donc ça fait un peu chier. Par surprise. En plus, ils rentrent avec la mobylette dans la grotte, bande d'imbéciles. Ça fout de la fumée partout. Et puis ils y vont à poil. Et là, moi, je me suis fait la réflexion, quoi. Ça y est, tu fais 20 km de Paris, il y a que des débiles. Quoi. Et là, elle va branler un chien, elle va le pousser à l'eau, elle va lui arracher une tignasse. Ah, à Bart. Pas au chien. Ouais. Pas au chien, oui. Ouais, bon, alors, on là, tu es un peu dégueu. Déjà, on va coller sur la poupée, d'ailleurs. Oui, après. Ouais. À partir de ce moment-là, tu te barres, en fait. Tu t'es fait péter l'arcade. Ouais, c'est ça. Il y a Joseph qui te met la misère tout le temps parce que Joseph, il va lui laisser aucun répit, ce qui est plutôt cool. Après, tu te fais arracher une mèche de cheveux par la dégringole. T'as beau vouloir te la taper, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est trop là. Genre de me coucher, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, c'est trop. Je rentre à Paris, ça m'a saoulé, quoi. Ah oui, c'est son chien qui est branle, en plus. Non, mais ça, pour le coup, en plus, c'est bien fait parce que tu sens bien le. Ça, j'avoue, il y avait que ce truc-là qui pouvait justifier le fait qu'il rentre pas. C'est que le chinois il a envie de se taper la nana et le blackos aussi. Donc non, du coup, ça, ils c'est font bien genre... fait. On reste. Qu'est-ce que ouais, tu fais c'est alors, bien fait. Ça pour le coup. Non, mais franchement, pour le coup, ça, je pourrais y croire. Ne sous-estime pas la dalle que pour avoir des garçons et jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment un film générationnel aussi. Hein. Je pense que moi, je suis trop vieille pour voir ça. Peut-être j'aurais vu. À 20 ans, je pense que ça m'aurait peut-être fait marrer, mais là, ça me fatigue. Ouais. Donc ensuite, on va rentrer à la maison pour faire sécher ses petits vêtements. Oui, parce que lui, il a été poussé à l'eau, oui, en fait, tout habillé. Ouais, Bart, ouais. Il en chie du début à la fin. Ouais. Ouais, lui, il passe vraiment un mauvais film. Putain, franchement, un beau survêtement la cause comme ça. Tu sais combien ça coûte. Eh, aujourd'hui, c'est collector, ce truc. Ah bah, c'est collector. C'est comme l'Adidas à pression qu'on portait au collège. J'adore ça. J'aimerais bien en retrouver. Mmh. Bah, franchement, vas-y, prends les petits vêtements et moi, je prends la Golf 2, chef. Donc ensuite, ça vaut rien, une Golf 2 sans jogging Bordeaux. Bah, franchement, c'est la Golf 2 à lui, là. Moi, je prends ça. Alors, l'autre, ils vont chercher du bois. Joseph, évidemment, qu'est-ce qu'il vient faire ? Eh bien, faire le déglago. Voilà, donc il va être. Bien défendre la nature, les serpents. Pourquoi là. Ils vont chercher du bois, en fait ? Pour faire du feu. Parce qu'il fait du feu. Parce qu'il fait froid, c'est alors le 25 décembre. Alors qu'il ne fait même pas sécher ses fringues près du feu, en fait. D'ailleurs, le 25 décembre, il y a plein de feuilles mortes par terre. Hein. C'est octobre. Et d'ailleurs, là, il y a de nouveau des petites allusions subtiles à la Bible où il y a le serpent et en même temps, Ève qui mange une pomme. Oui. Classico, c'est pour Antoine qui. J'ai vraiment raté tout ça. Alors, comme allusion. Et le à mec la qui Bible se fait crucifier à la fin, ça t'a pas fait penser à quelque chose. Il y a le spectacle des marionnettes, hein, comme dans la Bible. Ouais. tout à fait. Et là, je me suis dit, putain. Il est fort en marionnettes. C'est il est fort en marionnettes pour un Lascar. Ouais. Hein. C'est le gars, il a jamais rien fait de tout ça. Il fait, moi, je m'en branche, je touche pas à ça, tu sais. Puis après ça, il fait ta ta ta ta. Et là, il fait un spectacle que j'ai trouvé relativement cohérent. Ouais, ouais. Puis quand il marche sur un fil en jonglant, il est bon aussi. Et alors ensuite c'est le repas de Noël puisqu'évidemment ils sont pas rentrés chez eux pour Noël. Il y a personne qui se demande où ils sont. Hein. Il n'y a pas un parent qui appelle pour dire bah, écoute on t'attend avec mamie là. Bah, après il y a la meuf, il y a la meuf du mec qui arrête pas de l'appeler pendant tout le film. Ouais. C'est sa meuf. C'est mais après ils expliquent que les parents qu'ils sont tous musulmans, enfin la moitié est musulmans donc ils font pas Noël. Ça c'est vachement pratique. Musulmans, Noël, non. Ouais, ça fait des on a le petit débat de la religion, pense. Alors, mais j'ai pas mal fait. Juste une avant. Fois. Ah ouais, juste c'est, avant. C'est bien le dialogue, c'est ciselé. C'est... S'il vous plaît. Ah, non. Ne rentrons pas en débat religion, s'il vous plaît. Juste avant, j'aimerais aussi. Moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce que le film va être un peu surréaliste ? Y a-t-il de la science-fiction dans ce film ? La réponse, c'est oui, puisque le mec arrive avec une biquette de 30 kilos. Il va faire un méchoui en 20 minutes. J'ai vu le truc, j'ai fait ça, c'est 9 heures de cuisson. Mais il a fait au micro-ondes, t'as jamais fait au micro-ondes. Et le plan d'après, il y a une méga biquette décortiquée sur la table, entièrement cuite, c'est genre, bon, tranquille. Et là, il y a effectivement le débat, un débat sur la religion que j'ai trouvé effectivement bien écrit. La merde. Et toi, tu crois en Dieu ? Bah non. Pourquoi tu crois que t'es là ? Pourquoi je crois que je suis là ? Parce que mon père, il a baisé ma mère. Et voilà, moi, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas ça que je te demande. Pourquoi tu crois que t'es là ? Chez moi ? En train de manger à côté de moi ? Vas-y, arrête de me retourner le cerveau, là. La religion, c'est de la merde, c'est tout. Oh, mais c'est rien, ce que tu dis, là. Faut respecter, là, qu'est-ce qu'il te prend ? C'est toi qui me parles de respect, là, avec ton moche dans la bouche, là. T'es le premier à partir en partouze et... Mais tu te prends pour qui ? Y'a que Dieu qui a le droit de le juger. Toi, tu bouges ton boule en bois, tu donnes de l'alcool aux gens et tu parles avec mais moi. Mais travailler pour toi, c'est pas être dans sa religion ? Mais tu t'es pris pour qui ? Tu sais au moins de quoi tu parles ? Moi, tout ce que je sais, c'est que ça fait 20 piges que je galère, j'ai pas de taf, j'ai rien. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles de moi, Dieu ? On a rien à foutre de ma gueule. Moi aussi, je m'en bats les couilles, nique sa mère, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, folle-moi. Évite de parler comme ça, ou c'est moi, je vais te niquer. Toi, t'es qu'une mère, tu connais rien. Chétan, il est en train de te manger le cerveau. C'est le chétan qui nous engraine dans le haram. Dis-toi qu'il est tout le temps là présent. Alors évite de parler comme ça. C'est qui le chétan ? Le diable. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le début de la conversation. Hein. C'est-à-dire qu'ils commencent direct, ils vont tous prendre la parole un par un pour monter en tour face à l'autre avec aucun fond. Quoi. Quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est parfait. Ça fait deux secondes qu'on parle. Mais ils sont censés être potes, ils sont censés se connaître. Au bout d'un moment, tu réagis pas comme ça avec les gens que tu connais. Juste avant, il y a une... Ta gueule, toi. Juste avant, il y a une scène que j'ai trouvée assez drôle. On les entend bouffer d'ailleurs, avec des bruits de bouche dégueulasses. Ah oui, c'est vrai. Et puis t'as Vincent Cassel qui se met à chanter une chanson là. En fait, c'est la première scène j'allais dire téléchargée. Non, évidemment, je l'ai emprunté à la bibliothèque. D'ailleurs, on m'a filé Massacre à la tronçonneuse réalisé par Mathieu Kassovitz. Je trouvais ça pas mal. Et en fait, il commence à chanter une chanson. Et puis après, il y a un gamin qui lui demande mais ta femme, elle se joint pas à nous, c'est Noël. Il fait bah, c'est une grosse salope. Non, j'ai noté la réplique exacte, car elle est géniale. Pour qu'elle nous casse pas les couilles, cette grosse salope. Parfaitement exact. Et alors, vous savez ce qui s'ensuit? Un fond sonore bourdonnement avec un bruit sourd. Vraiment pour. Et des gros plans sur ses dents. Pour. Vraiment la pression. Ouais, et donc, là. Bart, il va faire une pause pipi. Et là, il y a quand même juste l'histoire de papy Joseph qui va raconter sa petite histoire à toute la tablée où il explique que. Un jour, un homme a fait un pacte avec le diable et qu'ensuite, il est allé coucher avec sa sœur et que ça a fait un bébé qui va naître le soir de Noël. Non, ça fait un gilou. Hein. C'est tout ça. Ça fait pas un diable. Et qu'il lui faut un présent. Parce que là, dans ce cas-là, il y a plein de petits diables hein, dans le village. Parce que, une asymétrie comme ça sur le faciès... Ça, c'est frère et là, sœur. Ouais, après... C'est pas frère cousin. Donc du coup, la scène des toilettes où c'est bien connu, toi, quand l'ampoule elle marche pas et que t'es en train de pisser, bah t'attends pas d'avoir fini de pisser pour essayer de la pisser quoi. Et puis surtout, tu la touches, le truc est chaud. Il refait toute la jointure en pissant, le mec. Hein. Vous pouvez vous électrocuter si vous faites pipi et que vous touchez l'ampoule. Hein. Électricité plus eau, ouais, c'est très déconseillé. Très mauvais combo. C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses en pissant. Hein. Alors, et ensuite, ils vont décider d'aller dans la chambre de la petite. Fouiller. Alors, intrusion dans la chambre. Alors, il est très beau, hein, il respire le pyjama et tout. Bon, ça, c'est la finesse, quoi, encore une fois. C'est l'instant poésie, je trouve, de ce film. Un conseil, il faut aller au pute hein, quand on est au chien comme ça, parce que là, non, mais il y a un moment. C'est... Ah, écoutez-vous, là, les petites parisiennes, en train de juger. Non, mais attends. C'est ce que je dis. Non, vous couchez avec votre sœur. Ouais, là, ils vont mater les petites photos aussi. Hein, des petites photos semi-charme, hein, quand même, les photos qu'il y a sur les photos d'elle. Bah, elle est genre en costume de danseuse, c'est ça? Non, ouais, si, ça, c'est charme, ça. Moi, ça, ouais, je considère que c'est charme. Et ensuite, on a un passage qui. T'inquiète pas, Roland Garros féminin commence bientôt. J'aime le télé féminin. le film de vacances au camping. Ah oui, ça, c'est bien aussi. Ça t'a plu? Ah ouais, ça c'était drôle. Enfin, c'est drôle. Ça, limite, j'ai trouvé ça. Ouais, moi j'ai trouvé ça drôle parce que franchement, quand il imite la nana et tout. Franchement, le dialogue, je les trouve cool. Hein. En fait, ce truc-là, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé juste que c'était le mauvais film pour le mettre. Mais je trouvais que cette séquence, elle était assez marrante. C'était assez drôle. Ouais. Avec l'espèce de choucroute là à la fin, c'était vraiment dégueu quoi. Mais ça marche bien. Sarah? Ah, puis les vodka manzana, on a tous pris, tu vois. Non, mais ça, c'est marrant. Je lui fais une petite vodka manzana, je la fais commencer à piller. Et puis après, ça a fait marrer, ouais. En fait, je crois que ce film n'est pas tellement fait pour les filles. J'ai l'impression. C'est marrant, j'ai des copines. Je sais pas, moi, je l'ai regardé avec ma mère, écoute, on a apprécié. Ah, moi, mamie, elle a voulu qu'on rembobine la scène de Noël, elle a adoré. Ça l'a fait pleurer. Ça lui rappelle les souvenirs de Noël. Julie, pardon, t'as coupé. Non. Moi, je disais que j'avais des potes, des copines de sexe féminin qui aimaient ce film. Donc, faudra qu'on en parle directement. Voilà. Alors, on va rester. Pourquoi on va rester? On va rester parce que le Black, il kiffe Yasmine. Et il va la kiffer dans sa golf. Ouais. En même temps, le Black, il peut kiffer Yasmine un peu partout. Hein. Il n'est pas obligé de rester chez les Il n'est pas obligé de rester chez des gringos. Quoi, non, mais là encore. Il peut se barrer, quoi. Non, parce qu'il kiffera peut-être même plus, quoi. Tu vois. Non, il a sa meuf et tout. Il se fait un peu harceler, machin. Et alors, les deux autres, ils vont un peu se battre sur la nana. Parce qu'ils sont deux sur un. Ouais. Sur une. Sur une, ouais. Et on peut pas faire la chose à deux et un. Non, ça on peut pas, non. On peut pas. Non. C'est interdit. Enfin, on peut pas. Sinon, ça fait des petits gilous. C'est bien. Venu. Et donc, 3, c'est un très mauvais chiffre pour faire la chose. Alors, du coup, la nana, elle allume la télé, il y a son clip préféré. Putain, ça, c'est un coup de chance. Hein. Alors, ils sont je ne sais où, méga isolés. Par contre, ils capent toutes les chaînes. Et à un moment, pareil, il y a MTV là-bas. À un moment, il y a genre du méga peura, mais super obscur. Genre, ils sont sur quelle chaîne? Et c'est le chinois qui gagne. C'est le chinois qui va gagner parce que. Ouais. Attends, c'était historiquement, c'est lui qui devait gagner aussi, quoi. C'est celui qui a essayé de le doubler, quoi. Ouais. C'était pas cool. Mais finalement, ils vont quand même se la pécho à deux. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont quand même faire. Calme-toi, Julien. Ils vont quand même faire la chose en triolisme. Ils vont faire un début de chose. Ils font pas grand-chose. Hein. Ils vont faire un début de chose. Ils vont faire un début de chose. Ouais, enfin, ils baissent pas, quoi. Devant Vincent Cassel, le déglingo, qui va se. Rincer l'œil. Toucher la nouille. Rincer l'œil. Rincer l'œil, c'est bien, on accepte. Et ça, c'était sans compter l'attaque des criquets. Le jour où là, Adine que Joseph il était là dans le jardin en train de mater la chambre d'Eve. Oh là là, Adine va prendre un bon lieu de raconter des conneries. Quoi, qu'est-ce qu'il lâche plus? Alors, t'es bien dans le noir? Ah ouais, trop beau. Ouais, c'est ça, fais mal. Hein. Il n'y a pas des criquets aussi dans la Bible? Si, plutôt dans l'Ancien Testament. Oui, ouais. Dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Exode. Il n'y a pas une poursuite en mobylette aussi dans la Bible? Si, c'est dans le Pentateuque. Tout à fait. Et donc, alors, qui a mis les criquets? C'est eux qui sont rentrés. Mais quelle petite débile. Mais oui. Attends, l'été, le 25 décembre, il y a toujours des criquets qui ont froid, donc ils viennent se mettre sous le lit. Mais c'est pareil, les autres déglingos, ils ont que ça à foutre le soir de Noël d'aller faire chier les mecs qui sont dans une baraque à l'autre bout. Bah, ils se font chier, les pauvres. Ah oui, ils vivent à la campagne. Préciser, c'est que quand Yasmina, elle a pris son bain, il y a quelqu'un qui est venu lui faire des caresses dans le cou et elle pensait que c'était son mec, mais c'était pas du tout son mec. Aucun sens, le mec peut pas rentrer, enfin, impossible. Bah, c'est une baraque. Tandis que le reste, tout est possible. Les démons, moi j'y crois aux démons. Les criquets sous le lit, ça m'est déjà arrivé. Non, mais le coup des caresses là, ça c'est vraiment un effet de mise en scène. En plus, après, on sait même pas qui c'est. Parce que c'est la Marie, sort, non là, c'est Joseph. De la pièce. Ah, moi j'aurais dit que c'était Marie. Non, mais c'est pas. Moi j'aurais dit Joseph. De toute façon, Joseph fait la moitié de la salle de bain, donc il peut pas avoir ses deux bras qui dépassent. Bon, là, ça le barre un peu en couille. Alors, petite précision temporelle, juste. Petite remarque, en fait, elle se met dans le lit, elle commence à crier. Il faut savoir que les trois sont en train de coucher ensemble dans la chambre. Elle finit de crier, ils sont déjà là tout habillés. Ils ont eu le temps de se faire un café, ils arrivent avec le mug. Et alors, Horrible ce truc. Ils vont poursuivre les insectes dans le lit. Surtout qu'en général, quand tu glisses dans le lit, tu soulèves la couette, t'as déjà 15 criquets qui sortent, tu vas pas la foutre. Non, mais surtout, la meuf se glisse entièrement dans le lit, remet bien la couette sur elle, et après elle hurle. T'as des problèmes de nerfs. Parce que, en vrai, je pense que tu mets un panard dedans, tu fais what? Tu lèves et tu fais. Non, je suis pas sûr, moi. Ah, on m'a fait une mauvaise blague. Je suis pas sûr du tout. Alors ensuite, c'est les déglingos qu'on fait ça. Donc les déglingos, l'idée c'est de les maraves. Donc il y a poursuite en mobylette sur la neige. Ça, je trouve ça mortel. Quand Bart il fait un espèce de coup de virilité. Quoi? Ouais, c'est le gueule de la grotte. Il commence à le poursuivre en meule. La poursuite en meule, je trouve ça super drôle. Non mais ça, par contre, j'ai vraiment. À un moment, il fait je vais te niquer, depuis. il est super vénère et tout ça. Non mais franchement, pour le coup, ça c'est pas mal. Ouais. Alors, petite stratégie des mecs de la grotte, justement, c'est que. C'est de se prendre, une grange. Non, c'est. Tiens, vas-y, on prend la grange. Non, c'est de venir à deux mobilettes, mais d'en repartir qu'avec une pour en laisser une pour les poursuivants. Vas-y, monte avec moi. Complètement. Prends la trottinette et puis laisse-leur la mobilette. Ils en ont parlé, ils font. Ça fera une évasion avec panache. Et là, en même temps, il y a quand même Jeanne qui s'est pris un sale coup aussi dans la gueule parce qu'elle a eu la mauvaise idée de se mettre derrière une poupée. Elle s'est pris un coup de barre, elle s'est pris un bon coup. Ça, c'est Bart encore. Il est nerveux. Bah oui. Et il y a Joseph qui pète un peu un câble. Joseph, le vernis craque. Hein. Celui-là qui a les lunettes. Gilou. Le déglingo. Celui-là qui a les lunettes. Il s'est caché dans la pendule. Et ça, je peux te dire que Joseph, ça le fait pas rire. Il l'a vu tout de suite. Mais non, mais ce qui le fait pas rire, c'est qu'il comprend que c'est lui qui a mis les grillons. Et ça fait fuir tous les mecs. Et Joseph, il veut pas qu'il s'en aille. Ouais, mais nous aussi, on l'a vu le film, ça. On a compris. Mais pas Antoine. Ah bon? Non, mais oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, il est pas content. Et Gilou, il a peur parce qu'il manque quand même de se prendre une bonne dérouillée. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne dérouillée. Une bonne dérouillée. Alors, ça tombe bien, c'est synchronisé avec un combat de chien. Mmh. Ouais. Mmh. Alors ça, c'est sans doute le chien des enfers, hein, comment il s'appelle ? Il s'appelle un lion, je crois. Du coup. C'est Herbert ? Oui, c'est ça. Behemoth ? Ah, donc, il y en a un qui va se faire vraiment exploser à coups de poing. C'est Thaï. Ouais. Le Vietnamien. C'est Thaï, le Vietnamien. Attendez, il faut m'expliquer. Ouais, ça c'est un peu le même problème que Ninja Blanc, Ninja Noir, et c'est Ninja Blanc le méchant. Tu vois, ça c'est vraiment des choses. Tu vois, c'est des. Non, là, je comprends plus là. Thaï, il se fait buter et Joseph arrête parce que là. Il va se prendre un. Alors en fait, il y a Madame, Madame, je sais pas son nom de famille. Est-ce qu'on peut l'appeler Madame. Madame. Madame. Madame. Ouais, ou Madame Diable. Finalement, elle va perdre les os. Ouais. D'ailleurs, ça c'est pas conseillé, même quand tu mets au monde le démon, même quand tu mets au monde l'antéchrist, tu peux pas faire un effort, le fais pas tomber par terre quoi. Ah ouais, c'est vraiment la pire des conneries, se balader debout, les jambes écartées, pouf, le truc tombe au sol, bah par c'est terre. Vrai que c'est pas conseillé. Non, mais surtout par la tête à première quoi. Par terre, c'est du carrelage, bing, le diable à mon avis. Surtout qu'après. Heureusement que c'était pas de la moquette, elle aurait tout taché. Surtout qu'après, Joseph se prend un gros coup de plateau derrière la tronche, et il tombe. Et là, encore une fois, il aurait pu écraser l'antéchrist quoi, tu vois, ouais, plateau en argent. Alors là oui, il paraît que dans la Bible elle a vraiment accouché comme ça, Marie. On est un peu dans un, alors parce qu'après donc lui il va se prendre un coup de plat en argent qui a l'air assez lourd. Ils vont s'enfuir en Golf GTI, mais Joseph va partir à leur poursuite. Joseph, il est assez résistant. Hein. Ouais. C'est un bonhomme. C'est un mec de la campagne. C'est un mec de la campagne. Joseph, il prend des enfêtes allemandes, quoi. Tu vois, 140, quoi. Tu vois. Il est vraiment l'enfête du top, ouais. Top. C'est pour faire la guerre, quoi. Il est costaud parce qu'il va aussi se prendre une Golf GTI. C'est ça. Comme les Allemands, tu vois. Celle-là, je peux te dire que pour t'en relever. Enfin, ceci dit, au début du film, il la déplace juste avec les jambes. Hein. Tu sais, il se met par terre sur le dos et puis il pousse avec les jambes, il la déplace. Ouais. Et alors là, on a le droit à une pause dans le film que j'ai vraiment... Ça s'appelle la publicité, ça, Antoine. C'est quand tu regardes la télé, c'est normal. Il y avait plein de petits courts-métrages au milieu. Très intéressant, mais... Oh, il y en a un pour les poissons panés. C'était bien. Il y en a un avec un chauffe qui fait le ménage. J'ai trouvé ça génial. On le trouvait ça drôlement intéressant. Et il faisait briller comme ça. C'était impeccable. Impeccable. Il passait la main sur la table et ça brillait. Bon, et après, on est revenu dans le film. J'étais déçu. Non, et alors. Ouais. Ça, c'est le passage genre, ai-je rêvé, n'ai-je pas rêvé, suis-je dans un trip Alors, juste avant, il y a quand même. Ils arrivent à s'enfuir, les si trois manos. C'était qu'un rêve. Dans la Golf. Oui. Et ils passent devant Yasmine. Et il y a Bart qui fait, bah attends, on va peut-être s'arrêter. On est passé devant Yasmine. Là, le Black, il pète un câble, il fait, tu sais quoi, bah, si tu descends de ma Golf. Franchement, là, moi, je m'en fous, je me casse. Là, j'ai trouvé qu'il avait exagéré quand même, là, sur ce point. Et puis surtout, c'est absurde, le temps qu'ils discutent, que Bart il sorte, Yasmine, elle avait quatre fois le temps de rattraper la voiture. Ça m'agace. Bon, et du coup, Marc, il va descendre et il se dit... Bart. Bon, bah, perdu. Bart, bon. Non, mais, alors, c'est un prophète. Hein. Il va descendre de la bagnole et il se dit, bon, bah, je vais retourner à la maison, finalement. C'est complètement con, tu cours le long de la route. Enfin, mec, c'est fini. Non, mais surtout qu'elle était le long de la route. Elle s'est pas dit. Enfin, lui, il coupe à travers forêt noire pour aller à la maison de l'horreur. Bref, aucun sens. Et donc là, il va se faire choper par Joseph. Jojo. Et Jojo, il veut lui enlever l'œil quand même. Les yeux, les nuclés pour la pire. Heureusement qu'il lui a pas demandé comme ça. J'aimerais bien t'enlever l'œil quand même. Bah c'est pour quoi faire ? C'est pour mettre sur une petite poupée. Ah ouais, d'accord. En plus, il a un outil spécial assez galère finalement. Ouais. Ou je sais pas, ça a l'air d'être un tourne-œil. Ouais. T'en as pas ? Et alors là, on a le droit à une pause rêve. Junie, tu expliques. Oui, bah en fait, on se retrouve à la boîte de nuit. Donc au début, quand il s'est fait casser la bouteille sur la tête, donc on se dit, cela ne serait-ce peut-être qu'un rêve. Et en fait, il est à l'hôpital, il a des alus avec des boucs, avec des trucs, avec ses potes. Et en fait, on s'aperçoit que non, il a pas du tout d'alus. Enfin, il est bien dans la maison, il est bien dans la merde et qu'il a bien plus d'œil. Ouais. Voilà. Et c'est la fin. L'image de fin. Non, donc, Sarah, qu'est-ce que c'est ? Alors l'image de fin, c'est pour les spectateurs débiles qui n'auraient pas compris qu'en fait Joseph et Marie étaient frères et sœurs. Donc on monte bien côte à côte les visages qui est donc Vincent Cassel, Vincent Cassel en fille, Vincent Cassel en mec, et comme ça. Ils se ressemblent vraiment ? Oui. Ouais, si, c'est lui. Hein. C'est lui. Nous. Ah bon ? Ah, j'ai pas tilté que c'était lui, moi. En fait, Vincent Cassel est une femme depuis longtemps. Non, mais je trouve que... C'est lui ? Ah oui. Moi, le seul truc que j'ai écrit le tarin qu'elle a, mon pote. Non, moi, j'ai juste vu que c'était un mec, quoi. J'ai pas vérifié, mais pour moi, c'est lui qui joue les deux. Mais pour moi aussi, c'est une évidence. Sachant qu'elle, elle est pas marquée dans le générique, j'ai regardé quand... Ouais, non, mais je pense. On voit presque pas son visage, en fait. Un visage comme celui-là. Quoi ? Mais toute la famille, par contre, de consanguins et réunions, ils sont tous réunis autour du bébé avec un qui au chien. C'est comme le professeur Folding. Ça, j'ai pas entendu ça. Rappel. C'est un happy ending. Ah oui, c'est un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Il joue même la golf. Le Lascar chinois, c'est Vincent Cassel aussi. Non, le chien. C'est vrai qu'à la fin, il manque. C'est lui qui se fait branler. C'est vrai qu'à la fin, il manque juste la photo, quoi. Et la petite photo. Mais d'ailleurs, il a ah fait... non, c'est pas. C'est une dame qui s'appelle Georgette Crochon. Alors, je sais pas si. Ah, c'est vraiment une dame. Non, mais attends, parce que c'est intéressant quand même. Cherche-la dans les pages blanches. Mais non, mais ça doit être une blague. Je suis sûr que c'est lui. C'est pas possible. C'est Georgette Crochon. C'est ça doit être un anagramme de Vincent Cassel. Je suis sûr que si tu mélanges. Bah, déjà, il y a pas de mots. C'est compliqué. Si tu les secoues très très fort. Elle a fait quoi comme film? À mon avis, c'est Vincent Cassel, puisque il y a rien d'autre. Déjà voir ce nom-là dans un générique, moi, j'arrête pas de. Avec Georgette Crochon. Allociné me dit que Georgette Crochon n'a joué que dans Shaitan, donc je pense que c'est une petite blague de nos. Georgette Crochon is back. Shaitan 2. Je peux faire une petite recherche sur Gilou, là, s'il te plaît. Tu veux savoir quoi sur Gilou? Bah, je sais pas s'il a joué dans d'autres trucs. Et alors, voilà, donc le film se termine là-dessus. Malheureusement, Bart, il s'est fait enlever les yeux. Il a été fair play, il lui a fermé quand même. Oui, il lui a recousu, on sait pas ça, comment. On sait pas pourquoi. Il a mis genre, lui, tout ce qu'il voulait, c'est les yeux, mais bon, il fait bon, on va quand même refermer, ce serait pas sympa. Avec des petits bouts de cuir, je sais pas pourquoi. Puis tu sais, pourquoi le garder en vie, tu sais. Bon, ça a pas vraiment de sens. Non, autant utiliser d'autres trucs pour la poupée, quoi, tu vois. Je sais pas, des doigts, des mains, enfin, je sais pas, autre chose. Effectivement, tu peux faire pas mal de choses avec tout ça. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce film? C'était de la merde. Non, c'était très second degré selon moi. Et moi, ça m'a bien fait marrer, quoi. Après, l'histoire, on s'en fout un peu, c'est juste le prétexte pour faire des blagues et ça marche. Moi, je trouve que c'est. Ne se prononce pas. Très mauvais thriller, très mauvais film d'épouvante, et après, c'est pas un très mauvais film. C'est pas si mal. Moi, en fait, j'ai pas trop vu le temps passer, en plus, c'est relativement court. Ça veut dire que c'était pas si mal. Non, moi, je défends ce film. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un. Alors visiblement, alors j'ai 6 commentaires, 5 étoiles sur Shaitan. Visiblement, ça a plu au cahier du cinéma, hein, puisqu'on a un monsieur qui nous dit « Je l'ai trouvé remarquablement filmé, justement, avec ce qu'il faut d'audace dans les prises de vue, tantôt léché, tantôt du type caméra sur l'épaule, tantôt comme les jeux vidéo fonçant vers un point qui fuit dans l'infini. » Ouais, bah, c'est le cinéma, quoi. Bien sûr, les clins d'œil à Hitchcock, Kubrick et Peckinpah, sans oublier Délivrance, sont autant de plaisirs que l'amateur savoure entre deux coups de poing. J'ai particulièrement souri aux prises de vue à deux reprises où l'héroïne, au premier plan, agenouillée, a le genou juste suffisamment écarté pour que l'on entrevoie au fond quelque chose d'un peu sombre, mais rien de défini. Comme au niveau érotique... C'est Joseph qui a écrit ou pas? Vas-y, change de voix, tu sais. Comme au niveau érotique, Javier va s'arrêter de dénuder les personnages. Au moment où la pudibonderie, pourtant sévèrement malmenée sur le plan verbal, risquait de s'offusquer. C'est une illustration rare et magnifiquement menée d'un monde où les coups et les mots tiennent lieu le plus souvent de rapports que les jeunes n'osent pas exprimer plus simplement. C'est avec une grande joie que j'ai assisté hier soir au début d'un réalisateur sur l'avenir duquel je place toute la mise. 5 étoiles. On continue avec Glare Witch. Ça te fait rire. Qui nous dit... Il n'a pas le même ton, hein. Il nous dit « Génial, ce film cartonne tout! Sérieux, l'histoire est banale de base, mais elle évolue trop violemment. Ça devient bien trash et Vincent Cassel gère à fond ses différents rôles de psychopathe, inceste, consanguin. 5 étoiles. Ensuite, on a Vince de la Haine, qui résume très très bien le film. Il nous dit ce c'est film... le vrai Vincent de la Haine. Ouais, c'est lui. Ce film est tout simplement super. De l'action, de l'humour noir, histoire de jeune de cité qui rencontre une chaudasse en boîte, puis l'entraîne dans les bars de l'étrange Joseph, à voir. Le mec a même pas compris le film. Le gars s'arrête au milieu pour mettre un boulard et c'est bon, il fait ouais, le film, il était pas mal. Ensuite, il y a un visiteur bon, qui a un message à faire passer qui nous dit ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Néanmoins, Je tiens à adresser un message aux usagers de médiathèques et de vidéoclubs qui empruntent ce genre de film. Ne faites pas exprès de défoncer le DVD à coups de canif sous prétexte que c'est un film de psychopathe, merci. 5 étoiles. C'est bizarre. X-Screamer, qui nous dit « Très très bon film. Ça fait bien longtemps qu'un film ne m'a pas autant fait d'effet au cinéma. Je trouve la réalisation excellente, tout comme les dialogues très bien menés. De plus, les comédiens jouent franchement bien, surtout les mecs d'ailleurs. Elles sont matchy, ceux là-dedans, hein. Car les filles sont quand même vraiment bonnes, hein, surtout Yasmine. En tout cas, les détracteurs du film devraient arrêter de mater des films comme Les Bronzés 3. Ou continuer, hein, peut-être plutôt. Hein. Mais surtout, il faudrait qu'ils ferment leur clap-croûte. Leur quoi ? Leur clap-croûte. Leur clap-croûte. Elle est trop bien, cette expression. Lui, à mon avis, tu le retrouves à la grotte chaude. Mais c'est Gilou, ça, pour le coup. C'est Gilou. Et enfin, il y a Silas987 qui va donner raison à X-Screamer, en commentaire juste précédent. Bien qu'elle a fermé son clap-croûte. Bien que j'ai bien noté ce film, la note reste un prétexte pour que vous lisiez ma critique. Ah, le fou. Malin, le pas folle, la guêpe. Où est le thriller ? Je l'attends toujours. Au mieux, ce film est une comédie où l'on ne rit pas. En bref, si vous voulez voir 1h30 de film où trois racailles essaient de se faire une gonzesse en se faisant, en se faisant poursuivre par un berger psychotique, allez voir Chétan. C'est marrant. C'est trop bien. Sinon, je vous conseille de rester chez vous ou d'aller voir Les Bronzés 3, qui est excellent par ailleurs. Là, je suis un peu déçu du Bronzés 3 à la fin parce que j'étais d'accord avec lui sur tous les points. Je pense que c'était une blague, non ? Il répondait. Je sais pas, je pense que on verra. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Chétan. Quant à nous, nous allons tirer deux films au chapeau sac poubelle. Michael et Sarah qui commencent. Alors, vas-y, je t'en prie. Je commence ? Oui. Alors, ce sera Les Ailes de l'Enfer. Ok, deux. Qui a proposé ça ? Nélandirle. On le salue, hein. Bon, bah, attends, mais je vais lire, moi je lis bien les je lis bien mon écriture. Nélandirlet. Ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Nélène direct. Ok, ouais. Allez, on va dire presque. Bon, allez à moi. Alors. Oh, j'ai Kill Bill 1. Qui a été proposé par Jonas, le Belge, qui est un des gagnants du concours. Ah bah, il se fout de notre gueule ou quoi ? Il va pas faire de film, lui. Ah bah, tant pis, hein. Bah attends, voilà. Il gagne tout, lui. Attends, j'espère qu'il joue au loto, son Belge. Ah bah, avoir le cul bordé de nouilles, hein, ça. Ah bah ouais. Oh merde, je suis emmerdé, j'ai fait un pari avec lui. J'ai parié ma polo. Golf, petite golf. Voilà, donc, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des Ailes de l'Enfer, de Nélène direct. Je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes 5 étoiles pour laisser un film dans le chapeau. Ah oui, ouais. Peut-être au sort. Je vous invite à aller sur 2hdp.fr et vous allez sur sondage, c'est écrit sur la page, pour faire le grand sondage 2hdp, s'il vous plaît. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Vous êtes de l'enfer. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.